Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui, et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah l'unique, et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. La dernière fois, nous avons parlé de l'amour en Allah, c'est-à-dire s'aimer en Allah entre musulmans. Et maintenant, nous allons voir quels sont les signes de celui ou de ceux qui aiment Allah. Les signes de celui qui aime Allah. Parmi les signes d'une personne qui aime Allah, il y a le fait qu'il fasse devancer tout ce qu'Allah aime sur ses propres passions, ses désirs ou bien ses envies. Abu Mohammed Abdallah ibn Armin ibn Al-As rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que ses passions ne seront pas soumises à ce avec quoi je suis venu. Nul d'entre vous ne sera vraiment croyant tant que ses passions ne seront pas soumises à ce avec quoi je suis venu. Allah, il a dit dans un verset, juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah, car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Allah, il a dit aussi, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Allah, il a dit aussi dans un autre verset, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Abu Ishaq Ibrahim ibn Dawud Raqi a dit, dans Al-Itisam, volume 1, page 163, le signe d'une personne qui aime Allah et qu'il préfère l'obéissance d'Allah à ses passions et suit la sunna de son messager. D'accord? Donc on voit comme signe quelqu'un qui va préférer obéir à Allah plutôt que de suivre ses passions. Ça entre aussi dans le combat contre le shaitan. Le shaitan qui est notre pire ennemi et qui nous pousse toujours dans le péché. Alors, c'est qui combat de la me meilleure des manières son ennemi? Eh bien, c'est celui qui ne va pas céder. Et le shaitan, étant donné que lui, son but, c'est pas de nous tuer ici-bas, c'est pas de nous prendre un bien, c'est pas de nous faire du mal, c'est de nous mettre en enfer, subhanallah. C'est vraiment de nous plonger en enfer. Et il est notre pire ennemi que vous pouvez trouver sur la terre. Alors la meilleure des manières pour le combattre, eh bien, c'est de ne pas lui obéir quand il nous demande de faire des péchés ou quand il nous incite à faire des péchés. Ensuite, une autre chose qui a été citée, c'est le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, préférer l'obéissance d'Allah à ses passions et suivre la sunna de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de la véracité de l'amour pour Allah, il y a le suivi de la sunna. Allah, il a dit dans son livre, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Al-Hassan al-Basri radiallahu anhu a dit, le signe d'une personne qui aime Allah, est le suivi de la sunna du messager d'Allah. Le signe d'une personne qui aime Allah est le suivi de la sunna du messager d'Allah. Abu Yaqub a dit: toute personne qui prétend aimer Allah et qui ne se conforme pas à ses ordres, sa prétention est nulle. Toute personne qui prétend aimer Allah et qui ne se conforme pas à ses ordres, sa prétention est nulle. Et toute personne qui aime Allah et ne le craint pas est dans l'illusion totale. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit: n'est pas véridique celui qui prétend aimer Allah sans se conformer à ses ordres. Et ces paroles que je viens de vous citer, elles sont rapportées par l'imam ibn Rajab al-Hanbali dans Al-Jami. D'accord. Parmi d'autres signes de la véracité de l'amour pour Allah, c'est un verset où on voit des caractéristiques que Allah il a mentionnées. Le verset, c'est le suivant. Écoutez bien. Ô les croyants, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qui l'aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne. Donc, Allah il a mentionné quatre qualités d'une personne qui aime Allah. Quatre qualités d'une personne qui aime Allah. Modeste envers les croyants, c'est la première chose. C'est-à-dire, il aime les croyants. Il fait miséricorde à des croyants. Et il est humble avec des croyants. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui aide un musulman, Allah l'aidera le jour de la résurrection. Celui qui allège les difficultés du nécessiteux, Allah lui facilitera dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Jusqu'à sa parole, Allah pourvoit aux besoins de son serviteur tant que celui-ci pourvoit aux besoins de son frère. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam muslim. Et dans un autre hadith, aussi authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est Abu Huraira aussi qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde des préjugés qui sont trompeurs. Ne cherchez pas à vous immiscer dans ce qui ne vous regarde pas. Ne vous espionnez pas, ne vous rivalisez pas, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous détournez pas les uns des autres, et soyez tous des serviteurs d'Allah unis par la fraternité comme il vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman, il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. Une autre caractéristique citée dans ce verset: fier et puissant envers les mécréants, c'est-à-dire ils font preuve de dureté envers les mécréants et ils ne se rabaissent pas devant les mécréants. Être dur envers les mécréants et ne pas se rabaisser. Mais là, j'aimerais quand même préciser quelque chose. C'est que si vous prêchez quelqu'un à l'islam, il ne faut pas confondre la dureté et ne pas aimer quelqu'un pour la religion à laquelle il appartient et se rabaisser à lui à cause de la religion à laquelle il appartient. Il ne faut pas confondre cela et avoir le bon comportement. D'accord ? Et parler convenablement aux gens. C'est deux choses complètement différentes. Certes, la dureté envers les mécréants est une qualité, mais le bon comportement, quand on prêche quelqu'un, c'est aussi une qualité. Et il ne faut pas confondre ces deux choses-là. Une autre caractéristique qui a été citée, c'est ceux qui luttent dans le sentier d'Allah avec leur âme, leur bien, leur langue, afin d'honorer la religion d'Allah et de rabaisser ses ennemis. Et la dernière, ceux qui ne craignent le blâme de personne. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent la vérité où qu'ils soient. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته